إن الحمد لله وعليكم السلام ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans le cours, maintenant on fait le cours 18 dans l'explication de la aqida de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sajistani rahimahullah, dans l'explication de sa manzouma al-Ha'iyya avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est encore dans les questions qui ont rapport avec la aqida des murji'a, ceux qui ont dévié au sujet de la foi, c'est-à-dire un des groupes parmi ceux qui ont dévié au sujet de la définition de la foi et de la réalité de la foi. Et on explique les vers 28, 29 et 30. Donc on était arrivé à la partie où l'imam Ibn Abi Daoud, il dit: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على القول على قول النبي مصرح. Et donc ça c'est pour dire que la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, elle est composée de trois choses et on peut la résumer en quatre phrases ou en quatre éléments. La première c'est قول باللسان. La deuxième c'est اعتقاد بالقلب. Le troisième c'est عمل بالجوارح. Et le quatrième élément c'est يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. En français c'est que la foi c'est une parole dite par la langue, une croyance dans le cœur et une action faite avec le corps. Elle augmente avec les obéissances et elle diminue avec les péchés. Donc ça c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a, ça c'est la réalité de la foi. Et ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il explique des exemples de sectes qui font partie des Murji'a, mais qui sont à des différents degrés d'égarement parmi les Murji'a. Et il mentionne, donc, il dit: فَلَيْسَ الْإِيمَانُ بِالْقَلْبِ فَحَسْبِ كَمَا تَقُولُهُ الْأَشَائِرَ. Il dit: la foi, c'est pas uniquement dans le cœur. C'est pas uniquement quelque chose qui se trouve dans le cœur, contrairement à ce que prétendent les Asha'ira. De même que la foi, ce n'est pas, comme le Cheikh il dit, أو الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب مع النطق باللسان فقط وهو قول الحنفية. Donc la foi, c'est pas seulement une croyance du cœur et une parole de la langue, sans les actions, comme le disent les Hanafiyyah, ce qu'on appelle murji'atul fuqaha. De même que il dit wa huwa aw huwa nutq an-nutqu bil lisan fa hasb kama taqulu al-karramiyya. Il dit que la foi ce n'est pas uniquement non plus le fait de prononcer une parole avec la langue, contrairement à ce que prétendent la secte qu'on appelle al-karramiyya. Aw مجرد المعرفة كما تقوله الجهمية. Bien que la foi ce n'est pas uniquement de connaître Allah avec son cœur, comme le prétendent la secte des Jahmiyyah. Donc, ça c'est des niveaux, différents niveaux de, parmi les gens qui ont dévié dans la foi. Et toutes ces catégories-là, ces quatre groupes qu'on a mentionnés, font partie de ce qu'on appelle les Murji'a. D'accord? Et le pire d'entre eux, c'est Al-Jahmiyya. Parce que pour eux, la foi, c'est seulement la connaissance du cœur. Ça, on l'a expliqué à la fin du dernier cours. Et le cheikh maintenant explique des exemples de ce que impliquerait ou de ce que implique la aqida des Jahmiyya. Donc il dit فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْمَذْهَبَ الْخَبِيثِ أَنْ يَكُونَ فِرْعَوْنُ مُؤْمِنًا لِأَنَّهُ يَعْتَرِفُ بِقَلْبِهِ بِمَا جَاءَ بِهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فهو معترف بهذا بقلبه ولكنه أنكره بلسانه من باب الكبر والبقاء على ملكه واستكبارا عما جاء به موسى عليه السلام. Donc selon ce que implique le madhhab des Jahmiyya, ça voudrait dire selon eux que Pharaon est un croyant, hein, puisque selon eux de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur, c'est suffisant pour être un croyant. Et dans Sourate Al-Isra, le verset 102, il y a la mention du fait que Moussa, il dit à Pharaon que tu sais clairement que celui qui a fait descendre ces malheurs et ces signes sur l'Égypte, c'est personne d'autre que le Seigneur des cieux et de la terre. Hein? Donc, en voulant dire qu'il sait en réalité au fond de lui-même que ces choses-là viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par fierté, par orgueil, il refuse de l'admettre. Et j'avais mentionné hier l'autre verset qui dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire, ils l'ont renié, alors que dans leur cœur, ils y croyaient avec conviction. Donc, ce n'est pas suffisant pour être un croyant de reconnaître quelque chose, de reconnaître que par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala existe dans notre cœur, et de croire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est réellement un messager dans notre cœur, il faut également le témoigner de ça avec la bouche et appliquer les actions par la suite pour justifier cette foi-là. Mais si c'est quelque chose qui reste dans le cœur sans qu'on le mentionne avec la langue ou sans qu'on agisse par rapport à ce que ça implique, alors dans ce cas-là, ce n'est pas considéré comme étant une foi. Et ça, c'est important de le comprendre. Il y a une différence entre la connaissance et la foi. Hein? Le fait que quelqu'un connaisse l'islam, ça ne veut pas dire qu'il croit en l'islam. Et des fois, il y a des gens qui mélangent entre les deux. Hein? Il y a des, par exemple, des juifs ou des chrétiens ou des athées même qui se spécialisent dans l'étude de la religion musulmane dans les universités occidentales, et pourtant, ils ne croient pas en l'islam. D'accord? Donc le fait de connaître la religion, c'est une chose, le fait d'y croire, c'est différent. Le cheikh dit wa kadhalika al-mushrikun ya'tarifuna biqulubihim anna Muhammadan rasulullah wa annahu 'ala al-haqq. Qala ta'ala wa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina biayati Allahi yajhadun. فهم لا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن حملهم على مخالفته الجحود والكبر والاستكبار عن الحق والعصبية للباطل كما حمل أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اعترف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق فقال لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا فلما لم يتبعه ومات على ملة عبد المطلب على الشرك صار من أهل النار وهو يعترف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق وقال ولولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. Donc le cheikh explique ensuite que les mushrikoun, hein, ils reconnaissent la véracité de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené, et ils savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai messager et que ce qu'il dit est vrai. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le verset 33 dans sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous savons que ce que les mushrikoun disent, ça te rend triste ou ça t'attriste. Mais sache que ce n'est pas toi qu'ils traitent de mensonge. Ils ne disent pas que tu es un menteur. Mais les injustes, ce sont les signes d'Allah qu'ils renient. Hein? Qu'est-ce qu'ils rejettent? C'est les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala par orgueil. Donc, ils ne traitent pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur en réalité. Ils savent que ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais ils veulent opposer la vérité par orgueil et par fierté. Ou bien par, comme on dit, asabiyya, par le fait qu'ils veulent s'accrocher fanatiquement à leurs fausses croyances, hein, et à leurs traditions. Et ils refusent d'accepter le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam par fierté. Et ça, c'est la même chose que l'exemple de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib. Et Abu Talib, il reconnaissait que ce que son neveu, hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disait, c'était la vérité. Il reconnaissait ça. Et il a même dit dans un poème qui est très célèbre, il dit, j'ai su que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie des meilleures religions du monde. Hein, en voulant dire que c'est la meilleure religion de toutes les religions du monde. Et malgré ça, il n'a pas voulu le suivre et il est mort sur la religion de Abdul Muttalib, hein, la religion des gens qui font le shirk. Et donc, à cause de ça, sa destination, c'est la destination des gens de l'enfer. Malgré qu'il reconnaissait que la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est vraie. Et il dit dans un autre vers, qui suit dans son poème, il dit, si ce n'était pas de la crainte du blâme de mon peuple ou de leurs insultes, tu m'aurais vu, hein, reconnaître cette chose ouvertement et clairement. Hein. Donc, il dit le cheikh ensuite, ما منعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحمية لدين آبائه وأجداده فمنعه الحمية. Il y a l'exemple également des chrétiens et des juifs. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran à ce sujet-là justement, الذين أتيناهم الكتاب يعلمونه كما يعرفونه بارك الله فيكم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ceux qui ont reçu le livre, parmi les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Donc ils savent que c'est la vérité, qu'est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Mais encore une fois, ils refusent de l'accepter pour différentes raisons, comme l'orgueil, la fierté ou autre chose. Hein, comme les juifs par exemple, ils refusaient d'accepter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par nationalisme ou bien par fierté. Ils disent, nous on est des juifs et on peut pas accepter que Allah subhanahu wa ta'ala envoie un prophète d'un autre peuple. Il faut que ce soit de notre peuple à nous. Si ça vient pas de notre peuple, on l'accepte pas, peu importe, même si qu'est-ce qu'il dit c'est la vérité, on peut pas y croire. Et ça, c'est du fanatisme, c'est de l'égarement. Donc ça, c'est une caractéristique des juifs qui se retrouvent des fois, parfois même chez d'autres peuples aussi, qui disent on accepte juste la vérité si ça vient de quelqu'un de notre peuple. Puis si ça vient d'une autre personne qui vient d'un autre pays, on l'accepte pas, même si c'est dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça fait partie des caractéristiques juives qui se retrouvent parfois chez certains, Allah al-Musta'an. Donc le cheikh dit, ما منعه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحمية لدين آبائه وأجداده فمنعته الحمية والعياذ بالله فمات على الكفر وهو يعترف أن محمدا صلى الله عليه وسلم على الحق ويعتقد هذا فعلى مذهب الأشاعرة يلزم أن يكون مؤمنا. Donc, il dit le cheikh que, là il commence à expliquer encore, il répète encore l'explication, il dit que, à cause de ça, donc, à cause de la fierté pour ses ancêtres et tout, Abu Talib a refusé de reconnaître et de dire la ilaha illallah. À cause de la fierté pour ses ancêtres et pour la religion de ses ancêtres qui adoraient les idoles. Et il est mort sur le coffre. Malgré qu'il reconnaissait dans son cœur que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hein, enseignait la vérité, et il croyait que c'était la vérité. Et donc, selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a, bien entendu, ça c'est pas considéré comme étant une foi correcte. Puisque pour que ce soit une foi correcte, il faut qu'on le déclare avec la bouche. Et, mais par contre, selon la voie des Asha'ira, le cheikh dit ça, ça implique qu'il est quand même un croyant. Parce que pour eux, c'est suffisant de croire avec le cœur, même si tu dis rien avec la langue, ou même si tu n'appliques pas avec les actions du corps. Le cheikh dit « وَلَيْسَ الْإِيمَانُ هُوَ الْقَوْلُ بِالْلِسَانِ فَحَسْبُ بِدُونِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ كَمَا تَقُولُهُ الْكَرَّمِيَّةِ لأنه على هذا القول يكون المنافقون مؤمنين لأنهم يعترفون بألسنتهم ولكنهم ينكرون في قلوبهم وقد حكم الله عليهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار تحت المشركين فقال ومن الناس من يقول يعني يتلفظ آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني يتلفظون بألسنتهم وفي الآية الأخرى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. Donc le cheikh explique que la foi c'est pas non plus uniquement une parole que tu dis avec la langue. Hein? Il y a des gens comme ça qui disent avec la langue je crois en Allah ou je suis musulman sans réellement croire avec le cœur. Comme les gens par exemple qui font partie des karamiyas, hein? Ils pensent que même les munafiqoun sont des croyants, parce qu'ils disent avec la bouche je crois en Allah et je crois en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc étant donné qu'ils reconnaissent cette chose là avec la langue, même s'ils disent, même s'ils n'y croient pas dans son cœur, il est quand même un mu'min, alors que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran et il a jugé à propos des gens qui sont dans le nifaq, c'est à dire qui montrent avec leur apparence et qui prétendent être croyants avec leur bouche alors qu'ils ne croient pas dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à leur sujet qu'ils seront dans le niveau le plus bas de l'enfer. Fi darkil asfali minan nar, en dessous des mushrikin, c'est-à-dire ceux qui prient, qui jeûnent, qui font le hajj, qui font le jihad avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puis ils ne croient pas en l'islam, ils détestent l'islam, ils détestent le Coran, ils détestent la sharia, ils détestent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils font ça soit pour faire une ruse contre les croyants, ou soit pour se protéger eux-mêmes, hein, et ils cachent leur mécréance. Donc, ceux-là sont dans le niveau le plus bas de l'enfer, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran, et il mentionne dans le verset 8, dans Surat al-Baqarah, parmi les hommes, il y en a qui disent, c'est-à-dire qu'ils prononcent avec la bouche, nous croyons en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. C'est-à-dire, avec leur langue, ils prononcent, ils disent, je crois en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Et dans le verset 167, dans Surat al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala dit également, ils disent avec leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. Donc ça c'est des exemples de la signification du nifaq. Des gens qui disent avec leur bouche le contraire de ce qui est dans leur cœur. Le cheikh dit, فَمُجَرَّدُ الْقَوْلُ بِاللِّسَانِ لَا يَكْفِي بَلِ اللَّهِ قَالَ عَنْهُمْ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة يعني سترة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم. Donc le cheikh il explique que c'est pas suffisant donc juste de prononcer la parole avec la bouche, de dire que tu es croyant, ou de dire la ilaha illallah avec la bouche, sans y croire avec le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, justement, il mentionne ça dans le verset 1 et 2 dans Surat al-Munafiqun. Il dit, et lorsque viennent à toi les munafiqun, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait certes que tu es son messager. Et Allah témoigne que les munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites, sont des menteurs. Ils ont pris leur témoignage ou leur serment, le fait qu'ils ont déclaré la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, ils ont pris ça comme un bouclier, hein, pour obstruer le chemin d'Allah. Hein. Donc, c'est comme des gens qui disent, étant donné qu'on n'est pas capable d'affronter l'islam hein, de l'extérieur et de l'arrêter. On va rentrer à l'intérieur et puis à l'intérieur on va essayer de les arrêter en faisant des problèmes entre les musulmans ou en causant toutes sortes de discordes ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples de l'attitude des munafiqoun. Donc ils essaient de détruire l'islam mais par l'intérieur, et ils essaient d'obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et de rendre les choses difficiles pour les croyants en se disant musulmans. Hein, parce que il y a des ennemis de l'islam extérieurs qui sont des koufars, qui disent qu'ils sont pas, ils disent ouvertement qu'ils ne croient pas en l'islam et ils opposent l'islam, et il y a les ennemis de l'islam qui sont à l'intérieur de l'islam, c'est-à-dire ils disent on est musulmans, ils font la prière et tout, puis en réalité ils font tout pour obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obstruer la sunna, pour obstruer le Coran et la religion d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit à leur sujet, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا. Ça c'est parce qu'ils ont cru, puis ensuite ils ont rejeté la foi, ils ont mécru. Et le cheikh explique, il dit qu'ils ont cru en premier avec leur langue, en disant on est des mu'minoun, puis deuxièmement ils ont mécru avec leur cœur. Donc ils croient avec, ils disent qu'ils croient avec la langue, mais avec leur cœur ils ne croient pas. Donc le cheikh il dit, فَنُطْقُ بِاللِّسَانِ لَا يَكْفِي. ولو اعترف الإنسان حتى ولو قاتل وجاهد مع المسلمين ولو صلى وصام لا يكفي حتى يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه. Donc le cheikh il dit que c'est pas suffisant juste de prononcer cette parole avec la langue et de dire la ilaha illallah avec la langue et de reconnaître que l'islam est la vérité et que tu crois au messager sallallahu alayhi wa sallam, même si par la suite tu fais le jihad fi sabilillah avec les musulmans, tu fais la salat et le jeûne, ça c'est pas suffisant jusqu'à ce que tu aies reconnu cette chose avec ton cœur et que tu aies cru en ce que tu as prononcé avec ta langue. Le cheikh il dit ensuite, وكذلك ليس الإيمان كما تقول مرجئة الفقهاء الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب لأنه لو كان كذلك لصار للأوامر والنواهي فائدة. يكفي أن الإنسان يعتقد بقلبه وينطق بلسانه ولو لم يصلي ولم يصم. هذا مذهب باطل بلا شك، لأنه يعطل الأعمال كلها، والله جل وعلا قرن العمل بالإيمان في كثير من الآيات. آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لم يقل آمنوا فحسب أو عملوا الصالحات فحسب، فلا بد من الاثنين معا، فلا يكفي العمل بدون إيمان ولا يكفي الإيمان بدون عمل، فالإيمان والعمل صالح، فالإيمان والعمل الصالح قرينان، وهذا في كثير من الآيات. Donc le cheikh explique que de même que c'est pas correct de dire que la foi c'est uniquement la parole avec la langue et la croyance du cœur sans les actions, comme le disent les murji'atul fuqaha, al-hanafiyya. Donc eux ils disent que la foi c'est juste de dire la ilaha illallah avec la langue, puis de croire avec à ça dans ton cœur, même si tu fais aucune action par la suite, c'est pas grave, hein, ça c'est pas correct. Parce que si quelqu'un dit une chose pareille, eh bien, ça veut dire que il y a plus d'intérêt par la suite à respecter les ordres et à s'écarter des interdictions, hein, puisque tu dis que les actions ne font pas partie de la foi. Donc, pour eux, ils disent que c'est suffisant à quelqu'un, yani, de croire à l'islam avec son cœur et de dire avec sa langue, et puis même s'il ne prie pas, même s'il ne jeûne pas, même s'il ne fait rien, il dit qu'il est croyant avec son cœur. Hein? Et donc ça, c'est une voie qui est totalement fausse. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est comme des musulmans aujourd'hui qu'on rencontre et qui disent « Al-Iman fil-qalb ». Tu leur dis « Pourquoi tu ne fais pas la salat, hein, ou bien pourquoi tu obéis pas à Allah au lieu de désobéir à Allah, et il te répond en disant la foi c'est dans le cœur, hein, en voulant dire yani, même si je suis mauvais dans mes actions, même si je suis pas en train de faire qu'est-ce que je suis obligé de faire de ce que Allah m'a ordonné de faire, mais quand même dans mon cœur je suis croyant et j'ai une foi très très forte, hein. Donc ça c'est une contradiction. Si tu as une foi très très forte comme tu dis, et si tu es un très très très grand croyant comme tu le prétends, alors qu'est-ce qui t'empêche dans ce cas-là d'appliquer et de montrer les signes de cette foi qui est très grande comme tu le prétends, hein. Et donc ça c'est un exemple de l'égarement de la croyance de ces gens-là qu'on appelle les Murji'a aujourd'hui. Et donc le cheikh il dit cette voie elle est fausse et il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'elle annule complètement la valeur des œuvres, c'est-à-dire elle rejette ou elle nie l'importance de faire la pratique religieuse et l'application des obligations et des ordres et de s'écarter des interdictions. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, chaque fois qu'il mentionne la foi, il mentionne toujours les œuvres avec. Il dit ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres. Alladhina amanu wa amilus salihat. Donc à chaque fois qu'il mentionne la foi, hein, il dit alladhina amanu, après il dit wa amilus salihat. Il dit pas alladhina amanu seulement, ceux qui ont cru seulement, et il dit pas ceux qui ont fait les bonnes œuvres seulement. Il réunit toujours les deux. Donc il faut avoir les deux. C'est pas suffisant d'avoir juste la pratique sans la foi, et c'est pas suffisant d'avoir seulement la foi sans la pratique. Donc la foi et les actions sont deux compagnons qui ne peuvent pas se séparer, et ça c'est clair dans plusieurs versets dans le Coran. ومما يدل على ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال الايمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Donc le cheikh il explique maintenant la raison ou les preuves sur lesquelles se sont basés les ulama d'Ahlus Sunnah wal Jama'a pour prouver que la foi consiste en les quatre points qu'on a mentionnés précédemment, c'est-à-dire une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et une action avec le corps. Et c'est comme dans toutes les autres questions qu'on a expliquées dans ce livre, les ulama d'Ahlus Sunnah se réfèrent tout le temps à des textes pour définir la religion. Contrairement aux gens de Bid'ah qui se réfèrent à quoi? À leur raison ou à leur philosophie ou à leur idéologie ou des choses comme ça. Et en même temps, les ulama d'Ahlus Sunnah, ils rassemblent toujours les textes entre eux. Et ils les ramènent toujours ensemble pour les comprendre en harmonie. Tandis que les gens de Bid'ah, comme on a expliqué, ils prennent une partie des textes et ils laissent l'autre partie à côté. Et donc, à cause de ça, ils tombent dans l'erreur et dans l'égarement. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Et donc le cheikh il mentionne le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi est composée de 70 et quelques branches. Et si vous avez assisté à la khutbah vendredi passé, l'imam expliquait justement tous ces aspects de ce qui a rapport avec l'Iman et la réalité de l'Iman. Donc, il dit, la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi est composée de 70 et quelques branches. La plus haute d'entre ces branches, c'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse d'entre ces branches, c'est d'enlever quelque chose qui nuit aux gens dans le chemin, hein, lorsqu'il y a quelque chose qui est par terre, qui est en train d'obstruer le chemin ou qui nuit aux gens sur le chemin, tu l'enlèves. Ça fait partie de la foi. Et ensuite il dit wal haya, hein, al haya shu'batun min al iman, de même que la pudeur, hein, et la timidité, ça c'est une des branches parmi les branches de la foi. Donc le cheikh il explique, il dit que dans ce hadith il dit ensuite fa qawlu la ilaha illallah hadha qawlun bil lisan والحياء شعبة من الإيمان هذا من أعمال القلب. وإماطة الأذى عن الطريق هذا من أعمال الجوارح فدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. Donc le cheikh il dit que là, de dire la ilaha illallah, ça c'est une parole avec la langue, donc ça prouve la définition. La pudeur est une des branches de la foi, ça, la pudeur c'est une des actions du cœur, donc ça prouve al-iman bil qalb ou i'tiqad al qalb, le fait que tu crois avec ton cœur. Et ça, ce sont des exemples seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Ça ne veut pas dire que c'est seulement cet exemple-là. Il y en a plein d'autres actions du cœur. La crainte d'Allah, l'amour d'Allah, l'espoir en Allah, de chercher l'aide d'Allah, ainsi de suite. Tout ça sont des actions du cœur. Et ça fait partie de la foi. Wa imatatul adha anit tariq, d'enlever quelque chose qui obstrue le chemin, ça aussi, ça fait partie des actions du corps, et donc ça prouve que ça rentre dans la définition de la foi, c'est-à-dire que les actions font partie de la définition de la foi. Et on aurait pu mentionner comme action également du corps, eh bien la salat, parce que la salat c'est un acte que tu fais aussi avec ton cœur et avec ton corps aussi, avec ton cœur et avec ton corps, et également avec ta bouche, puisque tu récites le Coran et tu prononces donc des paroles dans ta salat. Donc, ça prouve que la foi, ce n'est pas seulement quelque chose qui est dans le cœur, comme certains le prétendent, mais c'est quelque chose qui est également dans une parole de la langue et aussi une action avec le corps. Et il y a des ulama parfois qui l'expriment en disant « قَوْلٌ بِاللِّسَانِ وَيَعْنِي اَعْتِقَادٌ بِالْجَنَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ » Donc, pour que ça rime, il mentionne ça de cette manière-là, c'est la même signification. Ou bien ils disent aussi qawlun wa amal, et ça veut dire la même chose également. Donc le cheikh il dit amma kawnuhu yazidu bitta'a hadha sarihun fil Qur'an innama المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا فجعل الصلاة والإنفاق من الإيمان وهذه أعمال الجوارح وذكر الله هذا قول باللسان وذكر الله هذا قول باللسان وزادتهم إيمانا وهو دليل على أن الإيمان يزيد. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا فدل على أن الإيمان يزيدوا ويقوى بالطاعات. Donc le cheikh explique, il dit maintenant, pour expliquer la quatrième partie de la définition de la foi, elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec les péchés. Il dit que le fait que la foi augmente, ça c'est quelque chose qui est clair dans le Coran. Dans plusieurs versets, on voit la mention de cet aspect ou de ce principe. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a par exemple dans le verset 2 à 4 dans sourate Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala il dit les croyants sont uniquement ceux qui, lorsqu'on leur mentionne Allah, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite nos signes, nos versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Ceux qui établissent la salat et qui donnent de ce que et qui dépensent de ce que nous leur avons donné comme subsistance, ceux-là sont les vrais croyants. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Donc dans ce verset, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné la salat et al-infaq, le fait de dépenser de nos biens dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça comme faisant partie de la foi. Et ça ce sont des actions du corps. Ensuite, il dit également le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ça comme faisant partie de la foi, et ça c'est une parole avec la langue. Zadatum imana, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il, par exemple, quand on mentionne, par exemple, ou quand ils récitent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmente leur foi. Hein, quand ils entendent réciter les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela augmente leur foi. Donc ça c'est clair. Ici on voit que lorsque ils entendent, donc ça fait augmenter leur foi. C'est la preuve que la foi peut augmenter. C'est pas quelque chose de statique, quelque chose qui est fixé, qui est stable ou qui bouge pas. C'est quelque chose qui peut augmenter ou diminuer parfois. Donc ça c'est une preuve, la première preuve. Et le cheikh il dit ensuite, wa qala ta'ala. Et il mentionne le verset 124 dans surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et lorsque une surat est révélée, il y en a parmi eux qui disent, lequel d'entre vous est-ce que cela fait augmenter sa foi? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, en ce qui concerne ceux qui ont cru, alors cela augmente leur foi, hein, et ils s'en réjouissent. Donc ça c'est à propos de la preuve, une autre preuve pour montrer que la foi augmente. Et il mentionne également un autre verset qui est très clair à ce sujet-là, dans Surat Al-Muddathir, qui dit « وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا » et qui augmente ceux qui ont cru en foi. Donc ça c'est la preuve que la foi, elle augmente et elle se renforcit à mesure que tu augmentes tes œuvres. وَكَذَلِكَ يَنْقُسُ الْإِيمَانُ بِالْمَعَاصِي بِدَلِيلِ حَدِيثِ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فدل على أن الإيمان يضعف فالذي لا ينكر المنكر لا بيده ولا بلسانه هذا ضعيف الإيمان والذي لا ينكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه هذا ليس فيه إيمان أصلا لقوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل كما في الحديث إن الله يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان وهذا دليل على أن الإيمان يضعف وكيف ويكون بقدر وزن حبة الخردل أو أدنى من ذلك. Donc le cheikh il dit, la preuve que la foi diminue également, c'est comme par exemple, qu'est-ce qu'on retrouve dans le hadith qui est rapporté, donc c'est un hadith sahih, et ça prouve que la foi diminue avec les péchés, et c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par sa langue. Et s'il n'est pas capable, alors qu'il le change par son cœur, et ça c'est le niveau le plus faible ou le minimum de la foi. Donc ça c'est la preuve que la foi, elle devient faible, elle s'affaiblit, elle diminue. Donc celui qui ne dénonce pas ou qui ne change pas le mal avec sa main ou avec sa langue alors qu'il en est capable, alors ça c'est la preuve de la faiblesse de sa foi. Donc il dit le cheikh, donc celui qui ne change pas le mal ou qui ne condamne pas le mal avec sa main, avec sa langue, ni avec son cœur, le cheikh il dit celui-là, il n'a même pas de foi à la base, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit, et après cela, c'est-à-dire après le niveau du cœur, hein, il n'y a pas une graine de moutarde de foi. Et comme c'est mentionné également dans le hadith, également qu'on a mentionné dans les cours précédents à propos justement des gens qui vont sortir de l'enfer parmi les croyants qui ont commis des péchés et qui vont être dans l'enfer à cause de ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne que, wa alaykum salam wa rahmatullah, que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer toute personne qui avait la moindre quantité de foi. Hein, et il mentionne une graine de moutarde de foi. Donc ça c'est la preuve que ta foi, elle peut même atteindre, elle peut même s'affaiblir et devenir petite au point d'atteindre la grosseur le fait qu'elle est petite comme une graine de moutarde. Et les salafs ont mentionné également dans leurs paroles qu'elle peut devenir grande comme une montagne et elle peut devenir petite comme une graine de moutarde et même elle peut même devenir nulle complètement, hein, c'est-à-dire zéro, hein. Donc le cheikh dit, وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان دليل على أن الإيمان يضعف حتى يصل إلى أن يقرب صاحبه من الكفر هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان وهذا دليل على نقص الإيمان. Donc le cheikh il dit également que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 167 dans Surat Al-Imran que la foi de quelqu'un peut diminuer et devenir faible au point où la personne est très proche de la mécréance, hein, comme c'est mentionné dans ce verset-là. Et donc ça c'est la preuve que la foi peut diminuer, hein, la foi elle diminue. Donc ça réfute complètement les arguments des Murji'ah, hein, et ça vient prouver la position de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et ça ce sont seulement des exemples de preuves, parce que les preuves à ce sujet-là sont, hein, bien plus nombreuses que ça. Et juste pour vous donner un exemple, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, il a écrit un volume complet juste sur ce sujet-là, yani dans Majmu' al-Fatawa. Donc c'est pour vous dire que ça c'est juste un petit résumé de la question de al-Iman. Et la question de l'Iman, c'est une question très sérieuse et très grave et très dangereuse aussi, parce que c'est sur cette question-là que sont apparus les premiers égarements et les premières déviations. Hein? La secte des Khawarij, c'est le premier groupe qui s'est séparé, hein, de la Ummah et qui est sorti avec les armes contre les musulmans. Donc, c'est sur cette question-là qu'ils ont dévié en premier. Et donc, c'est important de bien la comprendre. Le cheikh il dit wal murji'a يقولون الايمان لا يزيد ولا ينقص لان الايمان بالقلب وهو شيء واحد فالناس لا يتفاضلون في الايمان فايمان ابي بكر مثل ايمان افسق الناس وهذا كلام باطل بل الايمان يتفاضل وبعض المؤمنين اقوى ايمانا من بعض أقوى إيمانا من الآخر قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة في الإيمان وقوة في البدن وقوة في الفعل فالإيمان يزيد وينقص بلا شك فالمعاصي تنقص الإيمان والطاعات تزيد في الإيمان وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il explique que les murji'a, ils disent que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Ils disent que la foi, c'est quelque chose qui est uniquement dans le cœur et que c'est une chose unique et que les gens, donc, sont tous pareils dans la foi. Il n'y a pas de personnes qui ont une foi meilleure que d'autres. Donc, ils pensent que la foi de Abu Bakr est la foi des pécheurs, hein, des gens qui font des péchés et des choses haram. Ils pensent que leur foi est équivalente. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose de complètement faux. Et il dit que c'est certain que la foi, elle est différente d'une personne à l'autre, et que quelqu'un peut avoir une foi très grande, tandis qu'une autre peut avoir une foi très faible. Et même que, à propos de ça, justement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si on prenait la foi de Abu Bakr et qu'on le mettait dans une balance, sur un plateau de la balance, et qu'on prenait la foi du reste de la Ummah et qu'on le mettait de l'autre côté dans l'autre plateau de la balance, la foi d'Abu Bakr serait plus lourde que celle de la Ummah tout entière. Donc c'est pour dire que les gens sont pas tous au même niveau dans la foi. Le cheikh il dit وَهَذَا كَلَامٌ بَاطِلٌ. Donc ça c'est une fausse croyance de prétendre que tout le monde est égaux dans la foi et tout le monde a le même niveau, parce que la foi elle est différente d'une personne à l'autre. Certaines personnes sont plus fortes dans leur foi et d'autres sont moins fortes. Et il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté selon Abi Huraira par l'imam Muslim. Il dit que le croyant qui est fort, il est meilleur et plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala que le croyant qui est faible. Et dans les deux, il y a du bien. Hein? Dans les deux, il y a du bien. Donc, le cheikh, il dit que ça comprend la foi, la force dans la foi, la force physique et la force également dans l'action. Et donc, ça c'est la preuve que la foi, elle augmente et qu'elle diminue. Et que les péchés font diminuer la foi et les bonnes œuvres font augmenter la foi. Et ça, c'est la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc, si tu sens que tu commences à faire moins d'actions et que tu vois que ta foi baisse, alors la manière de faire pour faire augmenter ta foi, c'est d'essayer d'augmenter tes bonnes œuvres. Hein? Et ça, Inch'Allah, ça va faire augmenter ta foi. Donc, c'est un combat continuel. C'est pas quelque chose, tu dis, bon, ça y est, aujourd'hui, ma foi, elle est bonne, elle est forte, elle est bonne, et puis tu t'assois. Non, il faut toujours continuer à faire les efforts pour la garder. Pour la garder à ce niveau-là. Parce que sinon, elle va pas rester toute seule. Hein? Et le cheikh, il dit ensuite, وقول الناظم رحمه الله تعالى إنما الإيمان قول يعني باللسان ونية يعني اعتقاد بالقلب وفعل وهو عمل بالأركان الإيمان قول واعتقاد وعمل وهذا ما يدل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث شعب الإيمان وغيره من الأحاديث وقوله لا ينقص طورا بالمعاصي وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح هذا رد على المرجئة الذين يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص وإنما هو شيء واحد وأصله إنما هو شيء واحد وأهله في أصله سواء هذا قول باطل بل الإيمان يزيد بالطاعات Donc le cheikh il explique donc la fin de la parole de l'imam Ibn Abi Daoud en définissant la foi que c'est une parole et c'est une niya, une intention ou une croyance du cœur et une action. Et donc ça résume la croyance selon Ahlus Sunnah wal Jama'a comme c'est prouvé par le hadith des branches de la foi qu'on a mentionné et ainsi que d'autres hadiths. Elle diminue avec les péchés et elle augmente avec les bonnes œuvres. Et ça reflète les murji'a qui disent que la foi elle n'augmente pas, elle ne diminue pas et que c'est une chose unique et que tout le monde est égaux dans la foi. Et ça c'est une fausse parole et la foi en réalité elle augmente et elle diminue selon les bonnes œuvres que tu fais et selon les péchés que tu fais. Maintenant, le cheikh, on explique maintenant les paroles de l'imam Ibn Abi Daoud dans le vers numéro 31. On rentre dans un autre sujet maintenant, et c'est تقديم قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على كل قول. C'est-à-dire que on doit donner précédence à la parole d'Allah et à la parole de son messager devant toute autre parole. On n'a pas le droit de mettre la parole de quiconque d'entre les hommes devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il explique donc le vers 31 dans la version originale et sinon c'est le verset 38 dans la version de l'imam de Cheikh Al-Fawzan qu'on est en train d'expliquer. Donc l'imam Ibn Abi Daoud il dit Wada'anka ara ar-rijali wa qawluhum fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu. C'est-à-dire, yani, laisse tomber la parole des hommes et l'opinion des hommes. Parce que la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, elle est plus pure et plus claire. Hein? Donc le cheikh, il va expliquer donc en détail ce passage. Et ça, c'est très important aussi. Ça fait partie de notre manhaj et de notre aqidah, hein, ce principe-là. Et le cheikh, il dit, « هذه مسألة أخرى » وهي أنه لا بد أن يكون هناك خلاف بين العلماء في المسائل وهذا يقول هذا حلال وهذا يقول هذا حرام وهكذا يجري الخلاف بين العلماء في المسائل الاعتقادية والمسائل العلمية والمعاملات فالخلاف يقع بلا شك وهذه طبيعة البشر ولا يزالون مختلفين. Donc le cheikh il dit, ça maintenant c'est une autre question qu'on va expliquer, et c'est-à-dire que il faut absolument qu'il y ait des divergences entre les ulama dans les différentes questions. Certains vont dire ceci est halal, D'autres vont dire ceci est haram. Hein? Et c'est ainsi que les divergences se produisent entre les ulama, dans les questions de croyance, dans les questions de pratique religieuse, dans les interactions qui ont rapport avec la vie, hein, le commerce, le mariage, ainsi de suite. Donc, les divergences vont se produire et il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça, ça fait partie même de la nature de l'homme. Hein, et il mentionne le verset 118 et 119 dans Surat Hud. Verset 118 et 119 dans Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ils resteront toujours en divergence, excepté ceux à qui Allah a fait miséricorde. Il dit ensuite, ولكن لا يجوز لنا أن نأخذ ما نريد من الأقوال وما يوافق رغبتنا وشهواتنا وإنما نأخذ من الأقوال ما قام عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le cheikh explique ensuite, il dit que malgré que on a dit que la divergence ça fait partie de la nature humaine et que c'est normal qu'il va y en avoir, ça veut pas dire que on prend n'importe quelle parole et n'importe quelle opinion selon les désirs ou selon les passions des gens, hein, comme certains aujourd'hui voudraient essayer de nous faire croire. Hein, tu veux prendre une position parce qu'elle est en accord avec tes désirs et tes passions ou les passions des autres. Hein, tu prends en réalité l'islam. Selon l'islam, on doit prendre la position sur laquelle il y a une preuve dans le Coran et dans la Sunna du Messager sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il y a des divergences, tu retournes à Allah et à son messager. J'étais à Aix avant hier et j'expliquais donc dans une conférence du Cheikh Al-Fawzan, il parlait des innovations et des bédas et on a parlé de Al-Mawlid Al-Nabawi. Et il y a un homme dans la place, dans la mosquée, qui m'a demandé est-ce que tous les savants du Maghreb sont tous dans l'erreur puisqu'ils sont d'accord avec la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'on a expliqué que c'était une bid'a et que c'était une innovation de célébrer la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il me demande, est-ce que tous les savants du Maghreb sont dans l'erreur? Premièrement, alhamdoulilah, ce ne sont pas tous les savants du Maghreb qui sont d'accord avec le Mawlid. Alhamdoulilah, beaucoup d'entre eux, et même si on recule historiquement, à l'époque même où l'islam est entré dans le Maghreb, la seule chose qu'ils connaissaient, c'est le Coran et la Sunna, et ils ne pratiquaient pas du tout le Mawlid. Et en plus, même aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à s'accrocher à la Sunna et qui refusent, d'accepter le Mawlid. Ça, c'est un point. Ensuite, j'ai expliqué, que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, ni les tabi'in n'ont jamais fait ça. Ni l'imam Abu Hanifa, ni l'imam Shafi'i, ni l'imam Malik, ni l'imam Ahmad ibn Hanbal, ni aucun d'entre les grands imams des hadiths comme l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam al-Tirmidhi, l'imam Ibn Majah ou al-Nasa'i ou Abu Daoud, aucun d'entre eux n'a jamais fêté ou célébré la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une bid'a, c'est une innovation, ça ne fait pas partie de l'islam. Et par la suite, on a discuté, moi et cet homme, et à la fin, il m'a dit, bon, vous dites « qala Allah, qala Rasulullah » et les savants du Maghreb disent « qala Allah, qala Rasulullah ». Donc, moi, je ne sais pas lequel prendre, donc je décide de suivre les savants du Maghreb. Hein? J'ai dit, si c'était comme ça, on prend la référence ou les paroles des hommes comme référence. Lorsqu'on a une divergence, on ne pourra jamais trouver la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, justement dans le verset 59, dans Sourate An-Nisa, il dit, « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez à son messager, obéissez au messager, et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier. Donc c'est une condition. Si tu crois en Allah au jour dernier, quand il y a une divergence, tu dois ramener ça à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Si tu ne fais pas ça, il y a un problème dans ta foi. Il y a un problème dans ta foi, puisque c'est une condition dans la foi. Et il dit « ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا » Ça, c'est mieux, c'est meilleur et d'une meilleure conclusion. Donc ça, c'est le verset quoi? Le verset 59 dans Sourate An-Nisa. Donc tu ne peux pas juste prendre l'opinion qui est en accord avec ce que tu aimes ou avec l'opinion qui est en accord avec tes désirs, ou de dire, moi je vais prendre comme référence les savants du Maghreb ou les savants de tel ou de tel pays, parce que moi je viens de tel pays, je vais me référer à ces savants-là. Non, la référence au-dessus de tout être humain, c'est قال الله قال رسول الله. Cet homme, il disait, moi je prends comme référence قال الله قال رسول الله. La réalité, c'est que c'est pas vrai. Si quelqu'un est en train d'enseigner une bid'a, c'est la preuve qu'il ne suit pas qu'est-ce que Allah dit et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une contradiction. Et en plus de ça, c'est pas seulement de dire قال الله قال رسول الله. Tous les gens de bid'a disent قال الله قال رسول الله. Si par exemple les gens de bid'a ne prononçaient jamais un verset de Coran, et s'ils ne prononçaient jamais un hadith, personne ne les écouterait en partant. Vous imaginez si les Shia, ou si les Rafida, ou si les Khawarij, ou si les Murji'a, ou si les Mu'tazila et les autres ne citaient jamais le Coran, ils ne citaient jamais de hadith, est-ce que les musulmans allaient accepter une de leurs paroles? Jamais. Mais ils citent des versets justement pour tromper les gens, pour faire croire aux gens qu'ils se basent sur le Coran et sur la Sunna. Mais qu'est-ce qui est plus important encore? C'est pas seulement de dire « qala Allah, qala Rasulullah », mais comment tu vas comprendre « qala Allah, qala Rasulullah ». Selon quelle méthodologie tu vas comprendre « qala Allah, qala Rasulullah ». Est-ce que tu vas comprendre « qala Allah, qala Rasulullah » selon la compréhension des gens de bid'a qui sont venus après les sahaba? Ou bien tu vas te référer aux premiers musulmans qui ont compris l'islam et qui l'ont pris directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est Allah qui nous ordonne de les suivre. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous ordonne de les suivre. Donc on ne peut pas comparer les deux. Donc ça, c'est juste un exemple par rapport à ça. Et le cheikh, il mentionne donc, il explique le verset. Il dit « Farudduhu ilallahi wal rasul ila kitabillah al-Qur'an wal rasul » يرجع إليه في حياته عليه الصلاة والسلام ويسأل أما بعد موته فيرجع إلى سنته فكأنه موجود عليه الصلاة والسلام بوجود سنته ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي فلا يجوز أن نأخذ من الأقوال ما نشتهي أو يوافق رغباتنا أو أهواءنا أو نقول هذا أوسع للناس وأيسر للناس والمرونة مطلوبة هذا كلام باطل كما يقوله كثير من الكتاب اليوم وأصحاب الأهواء. Donc le cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ramenez la divergence que vous avez, peu importe dans quel sujet, que ce soit dans l'aqida, que ce soit dans la pratique religieuse, que ce soit dans les affaires de la dunya, dans le commerce ou dans le mariage, dans le divorce ou dans n'importe quelle autre question, vous avez une divergence, ramenez-le à Allah, c'est-à-dire ramenez-le au livre d'Allah, le Coran. Et le Coran, donc, et ramenez-le au messager. Donc, le messager, le cheikh, il dit, ramenez-le au messager, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire quoi? Quand il est vivant, tu retournes vers lui et tu vas lui demander en personne. s'il est vivant, quand il était vivant à l'époque, les sahaba, quand ils avaient une divergence, tout de suite ils retournaient vers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne perdaient pas de temps. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de divergence entre eux. À chaque fois qu'il y avait un problème ou une divergence, tout de suite ils allaient voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour régler cette divergence. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tranchait entre eux et la divergence était finie. Il n'y en avait plus après. Hein? Donc ça c'est durant sa vie. Après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, de retourner au messager signifie de retourner à sa sunna. De retourner à sa sunna. Et donc, c'est comme s'il était présent encore aujourd'hui par la présence de sa sunna. Hein? Et donc, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith de Al-Arbad ibn Sariya, qui est très célèbre, qui dit, et celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit de ça déjà. Il dit, il verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi. Et puis il dit ensuite, dans un autre hadith, je laisse parmi vous deux choses, tant que vous allez vous y accrocher, vous n'allez jamais vous égarer après moi, c'est le livre d'Allah et ma sunna. Donc ça c'est des exemples de hadith qui prouvent le fait que lorsqu'il y a une divergence, on n'a pas le droit de dire qu'on va prendre la position qu'on veut, la position qui est selon notre désir ou selon nos passions ou ainsi de suite. Donc le cheikh il dit qu'il n'est pas permis de prendre les paroles selon nos passions, selon ce qui est en accord avec nos désirs ou tout ce qu'on veut, on ne suit pas ce qu'on veut seulement, on suit la vérité. Il y en a qui disent, non mais laissez les gens, dans les moments de divergence, laissez les gens suivre la position qui leur convient le plus. Hein, sans se référer au Coran et à la Sunna. C'est plus facile pour les gens. Hein, on ne veut pas rendre la religion trop dure, trop difficile. Hein, il y a même un individu, qui a écrit un texte, sur Internet. Il l'a intitulé la bid'a ou le dictat de la pensée unique. Hein? Puis dans ce texte, il essaie de justifier les innovations et les bid'a en voulant dire, il y en a des musulmans qui veulent essayer de dire qu'il y a seulement une seule position ou une seule opinion qu'on doit suivre. Et ils veulent montrer que, ou ils veulent faire croire que c'est seulement eux qui connaissent la vérité, puis que tous les autres groupes musulmans sont égarés, excepté eux. Hein? C'est comme ça qu'ils essaient de montrer la situation. Et donc, il dit le dictat de la pensée unique, et il essaie de faire croire que l'islam, c'est donc l'ouverture, puis que les gens ont le droit d'avoir divergence d'opinion, puis que peu importe la divergence d'opinion, il faut laisser faire les choses. Et il y en a d'autres qui appellent, qu'est-ce qu'on appelle, à la divergence dans le sens que, il faut être large, et surtout en Occident, maintenant en France, aux États-Unis, en Europe, au Canada, partout, il y a cette tendance-là encore plus forte, fiqh al-taysir, ils appellent ça, le fiqh de la facilité. Tu regardes dans les madahib, les quatre madahib, et même des fois ils vont chercher chez les shi'a aussi, les rafida, ils regardent qu'est-ce que chaque madhab dit sur un sujet. Donc, lui il dit que c'est haram, lui il dit que c'est makruh, lui il dit que c'est permis, halal, mubah. Donc on regarde, on dit bon, nous on est ici, en Occident, donc on va prendre celui qui dit que c'est mubah. Ou qui dit que c'est halal parce que on veut faciliter la religion pour les gens. Donc, on regarde les divergences, puis on prend celle qui est plus facile. Sans regarder, est-ce que c'est basé sur une preuve, est-ce que c'est basé sur un ayah dans le Coran, un hadith dans la sunna, juste, tu prends la position la plus facile. Hein? Et donc, ça c'est très grave et c'est très dangereux parce que ça veut dire que tu prends ta religion selon tes passions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit pas dans le Coran, si vous divergez entre vous, prenez la position la plus facile que les gens ont mentionnée. Puisque peut-être que la position, parfois c'est la position la plus facile, qui est la vérité, mais parfois la position qui est plus difficile ou plus dure, c'est elle qui est la vérité. Hein? Donc, si on se base sur, par exemple, les questions de facilité. Des fois, il y a des ulama qui donnent des fatwas, ils se trompent dans leur fatwa. Il y a des ulama qui vont donner un verdict religieux et ils font une erreur. Et toi, si tu sais que cette parole est une erreur, tu n'as pas le droit de suivre ce savant-là dans cette erreur-là. Sinon, tu le suis intentionnellement dans l'égarement. Et quand tu fais ça, en réalité, tu imites la voix des chrétiens et des juifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ça dans le Coran, dans surat At-Tawba, il dit يعني اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah, dans le halal et dans le haram. Parce que ce que leurs rabbins et leurs moines ont déclaré halal, ils le déclarent halal. Et ce que leurs rabbins ont déclaré haram, ils le déclarent haram, même si c'est en contradiction avec la révélation. Donc ça, c'est l'égarement. Et le cheikh, il dit donc ensuite, il n'est pas permis donc de prendre la position selon tes désirs. De dire ça, c'est une chose totalement fausse. Et il y a beaucoup d'auteurs actuellement, à l'époque actuelle, et des gens de passion aujourd'hui qui disent ça. Le cheikh, il dit, يَقُولُونَ الْإِخْتِلَافُ رَحْمَةً نَحْنُ Il dit, يَقُولُونَ الْإِخْتِلَافُ رَحْمَةً نَقُولْ وَنَقُولْ الْإِخْتِلَافُ لَيْسَ بِرَحْمَةً الاجتماع هو الرحمة الاتفاق هو الرحمة أما الاختلاف فإنه عذاب وشر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. Donc le cheikh explique qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent la divergence est une miséricorde, et vous avez même des groupes et des individus aujourd'hui dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, et surtout ici maintenant, qui appellent au pluralisme, hein, au pluralisme religieux, c'est-à-dire il faut accepter la divergence et la pluralité religieuse, que c'est normal qu'il y ait des divergences, des sectes, et il faut toutes les accepter, il ne faut pas en critiquer aucune d'entre elles, il faut toutes s'unir, on s'excuse sur les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et on travaille sur les choses sur lesquelles on est d'accord, on se met ensemble. Hein? Donc ça, c'est un dialogue qu'ils appellent un soi-disant dialogue avec les différentes religions, avec les différentes sectes, pour travailler entre elles, soi-disant, puis ne pas prendre en considération les divergences dans les fondements et dans la aqida ou dans le tawhid ou les bases de la sunna. Ça, pour eux, c'est secondaire. L'important, c'est de voir les choses sur lesquelles on est d'accord et on travaille là-dessus seulement. Donc, ils disent la divergence, c'est une miséricorde. Ça, c'est leur slogan. La divergence est une miséricorde. Et le cheikh, il dit, nous, on dit, la divergence n'est pas une miséricorde. Hein? Il dit, la divergence, c'est pas une miséricorde. Au contraire, la divergence, et la division, c'est un châtiment. C'est un châtiment, et c'est quelque chose de mal. La miséricorde, c'est de s'unir sur la vérité. C'est d'être unis et de ne pas diverger. Ça, c'est la miséricorde. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset qu'on a lu au tout début. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Ils vont continuer à diverger, excepté ceux sur qui Allah a mis sa miséricorde. Donc ça, c'est la preuve. Et également, donc, le fait que, par exemple, dans les paroles des sahaba, comme Abdullah ibn Mas'ud qui disait أَلْخِلَافُ شَرْ. Et la parole qu'ils disent, quand ils disent que la divergence est une miséricorde, ce n'est rapporté dans aucun hadith authentique. Hein? Il y a des hadiths qui rapportent ça, mais c'est des hadiths soit fabriqués ou faibles. Hein? Donc ce n'est pas une référence. Et le cheikh, il dit, « فَلِاخْتِلَافُ مَوْجُودُ وَلَكِنْ لَيْسَ مَعْنَ ذَلِكَ أَنْ نَقُولَ هَذَا مِنْ سَعَةِ الْإِسْلَامِ أَوْ سَعَةِ الدِّينِ لِأَنَّ الدِّينِ لَيْسَ فِي أقوال العلماء وإنما الدين بالدليل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا هو الميزان الذي بين أيدينا ولم يكلنا الله للخلاف أو إلى رأي فلان أو قول فلان بل أمرنا أن نرجع إلى الميزان الذي هو الكتاب والسنة. Donc, le cheikh, il explique, il dit que la divergence, elle existe. Ça, on ne le nie pas, il n'y a pas de doute. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a de la divergence, on doit commencer à dire que la religion, il faut laisser aller, hein, il ne faut pas être trop. Hein. étroit d'esprit, il faut être large, hein, il faut accepter la divergence. Le cheikh il dit parce que la religion c'est pas dans les paroles des ulama. Tu vas pas commencer à, comme on dit en anglais, pick and choose. Hein, tu choisis entre les paroles celle qui fait ton affaire ou celle qui te convient selon tes passions. Allah il dit de ramener ça à Allah et au messager. Donc c'est ça la balance qu'on doit prendre comme référence. C'est ça le critère. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas renvoyé dans les divergences à l'opinion d'un tel ou d'un tel. Il nous a ordonné de ramener ça au livre et à la sunna. Donc le cheikh il dit فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْرِفَ الرَّاجِحِ مِنَ الْمَرْجُوحِ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَأْخُذَ الْقَوْلَ عَلَى عِلَّاتِهِ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Donc le cheikh il dit celui qui fait partie des savants, des hommes de science, et qui est capable d'analyser les textes pour savoir et d'analyser les divergences et de savoir laquelle est plus correcte par rapport aux autres, alors lui il n'a pas le droit de prendre une position tant qu'il ne l'a pas analysé et analysé par rapport au Coran et à la Sunna pour voir laquelle est en accord ou en contradiction avec le Coran et la Sunna pour prendre qu'est-ce qui est vrai et de laisser qu'est-ce qui est faux. C'est-à-dire le savant lui qui a la capacité et la connaissance, il n'a pas d'autre choix que d'analyser les divergences et de voir quelle position est plus vraie, plus proche du Coran et de la Sunna. Contrairement à certains qui maintenant font juste dire bon ça c'est plus facile pour les gens, alors on va leur dire que c'est ça qu'ils doivent faire même si il n'y a pas de preuve ou même si la preuve à ce sujet-là, elle est faible, hein, et qu'il y a d'autres preuves qui sont plus fortes ou authentiques. Le cheikh il dit أَمَّا وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْعَوَامِ أَوْ مِنَ الْمُبْتَدِئِينَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهَذَا يَسْأَلُ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالَ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne les musulmans du commun, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas fait d'études islamiques, qui n'ont pas étudié la charia, hein, ou les débutants dans la quête de la science, ceux-là, ils doivent demander aux hommes de science et retourner aux ulama. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 43, dans surat An-Nahl, et demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc le cheikh, il dit, وَالْأَئِمَّةِ يحذرون من أخذ أقوالهم بدون معرفة الدليل. فالإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد لجدل هؤلاء. Donc le cheikh il commence à expliquer le fait que les grands imams de l'islam, les grands savants de l'islam, ils ont averti contre le fait de prendre leur position sans connaître la preuve sur laquelle ils se sont établis ou basés pour établir leur verdict religieux. Et il commence par la parole de l'imam Malik, rahimahullah, qui dit « Chacun d'entre nous peut le réfuter » ou il peut réfuter quelqu'un d'autre, excepté qu'on ne peut pas réfuter celui qui est dans cette tombe, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on est obligé d'accepter ce qu'il dit, et personne ne peut rejeter ce qu'il dit. Tandis que les autres, on peut prendre et on peut laisser. Hein, si c'est vrai, on le prend, si c'est faux, on le laisse. Et il dit donc, c'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui seul qui est, hein, comme on dit, c'est lui seul qui est infaillible dans ces questions-là, dans la religion. Donc, est-ce qu'à chaque fois, l'imam Malik il disait, est-ce que chaque fois qu'un homme vient et qu'il sait argumenter et débattre mieux qu'un autre, on va laisser tomber ce que Jibril a ramené comme révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour son argumentation? Donc ça c'est, si quelqu'un agit comme ça, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il commence à rentrer dans des débats, eh bien, il va s'égarer facilement, parce qu'il abandonne la sunna pour suivre la parole de quelqu'un. Donc quand on a la preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique, on n'a pas à le laisser pour la parole de quiconque en dehors, hein. On n'a pas le droit de la laisser pour les traditions, on n'a pas le droit de la laisser pour les coutumes, on n'a pas le droit de la laisser pour les paroles d'un savant ou d'un cheikh ou d'un imam ou d'un peu importe qui il est, hein. Parce que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, elle est au-dessus de la parole de quiconque, hein. Est-ce que par exemple on va dire, on va prendre la parole du cheikh et on laisse la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que tu as mis ton cheikh ou ton marabout ou ton imam au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est grave. Le cheikh il dit, wal imam al-Shafi'i rahimahullah yaqul idha sahha al-hadith فهو مذهبي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Donc le cheikh il mentionne maintenant les paroles d'un autre imam parmi les imams d'Ahl al-Sunnah, c'est les paroles de l'imam al-Shafi'i rahimahullah, et il dit que l'imam al-Shafi'i a dit, lorsque le hadith est authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ça c'est mon madhab. C'est-à-dire mon madhab, hein, si quelqu'un aujourd'hui dit, moi je suis le madhab de l'imam al-Shafi'i, eh bien vous pouvez lui répondre, vous lui dites, le madhab de l'imam al-Shafi'i, wa alaykum salam wa rahmatullah, le madhab de l'imam al-Shafi'i c'est le hadith. C'est ça que l'imam al-Shafi'i a dit. L'imam al-Shafi'i, il a dit, mon madhab, c'est le hadith. Et bien entendu, l'imam al-Shafi'i, il ne connaissait pas tous les hadiths. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Il a dit, peut-être qu'il y a des hadiths que je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des hadiths que je connais qui ne sont pas authentiques. Je les ai utilisés comme référence alors que je ne savais pas qu'ils n'étaient pas authentiques. Donc, quand vous allez trouver un hadith qui est en contradiction avec ce que je dis, laissez tomber ce que je dis. Et mon madhab, le vrai, c'est ce que le hadith a dit. C'est ça mon madhab, hein? Et tous les imams ont dit ça. Donc, yani, si quelqu'un tu lui amènes un hadith, il dit non, moi je suis le madhab Shafi'i. Tu dis non, mais le madhab de Shafi'i, c'est de suivre le hadith. Donc tu contredis l'imam Shafi'i quand tu dis ça, hein? Ensuite, il dit. Et إذا خالف قولي, il dit l'imam al-Shafi'i, et il était très dur à ce sujet-là, il dit, si vous voyez que ma parole contredit la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, prenez ma parole et jetez-la sur le mur. Et il a dit, prenez la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit également dans une autre parole, une autre citation, il a dit, les musulmans sont tous d'accord à l'unanimité que lorsque une sunna a été clarifié à quelqu'un, lorsqu'une sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam a été clarifiée à quelqu'un, il n'a pas le droit de l'abandonner pour la parole de quiconque. Ça c'est une autre parole de l'imam al-Shafi'i. Et une parole de l'imam Ahmad, le cheikh il dit, wa l'imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yaqul, عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أو أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب علينا عند الاختلاف أن نرجع إلى الميزان وهذا من رحمة الله بنا أنه لم يكلنا إلى الاختلاف وأقوال الناس وإنما أمرنا أن نزن الأقوال بالكتاب والسنة وهذا يكون للعلماء وأما العوام فعليهم أن يسألوا أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيسأل العامي أن يثق من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله ولهذا يقولون مذهب العامي مذهب من أفتاه فهذا هو الضابط في هذه المسألة. Donc le cheikh explique, il dit que l'imam al-Shafi'i il disait, je m'étonne des gens qui ont étudié l'isnad d'un hadith et qui connaissent son authenticité, et malgré tout, il décide de prendre l'opinion de Soufiane al-Thawri. Allah dit dans le Coran, dans le verset 63, dans Surat Nour, que celui qui contredit son commandement, son ordre, c'est-à-dire l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam, prenne garde qu'il soit atteint par une fitna ou qu'il soit atteint par un châtiment douloureux. Et il demande, l'imam Ahmad, il dit, est-ce que tu sais ce qu'est la fitna? Il dit, la fitna, c'est le shirk. Du fait que peut-être que à cause du fait que tu rejettes la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour la parole de quelqu'un d'autre, eh bien ça fait rentrer dans ton cœur de la déviation et que tu périsses à cause de ça. Et il dit donc que personne n'a le droit de prendre la parole de quiconque lorsque on a entendu la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et l'obligation pour nous lorsqu'on a une divergence, c'est de ramener ça à notre balance, à notre critère, c'est-à-dire le Coran et à la Sunna, et ça fait partie de la miséricorde d'Allah pour nous. Il ne nous a pas référé à la divergence ou aux paroles des hommes, il nous a ordonné de calculer ou de balancer les paroles selon le Coran et selon la Sunna, et ça c'est pour les ulama. En ce qui concerne le commun d'entre les musulmans qui n'ont pas étudié la charia et qui ne connaissent pas ces questions, ils doivent demander aux hommes de science. Dans le verset 43, dans Surat al-Nahl, Allah dit, demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc celui qui est une personne, yani, qui n'a pas étudié la charia, une personne du commun parmi les musulmans, il doit demander à celui à qui il fait confiance d'entre les hommes de science, et il doit prendre sa position. Et il y a une parole justement que les ulama mentionnent à ce sujet-là. Ils disent que le madhab du commun du musulman, le commun des musulmans, le musulman qui n'a pas étudié la charia, son madhab c'est quoi? C'est le madhab de son mufti, c'est-à-dire c'est le madhab de la personne qui lui donne la fatwa. Dans le sens que le musulman ordinaire, il n'a pas réellement de madhab. Il y a des gens qui disent, ah moi je suis shafi'i. En réalité, il n'a jamais étudié le madhab. Et si tu lui demandes c'est quoi les usul, c'est quoi les bases de l'imam de ce madhab, il les connaît pas. Et si tu lui demandes c'est quoi les preuves de l'imam de ce madhab dans ses positions, il les connaît pas. Donc en réalité, il connaît pas ce madhab. Il fait juste dire ça comme ça. Je suis maliki. Tu lui dis c'est quoi les usul de l'imam Malik, il les connaît pas. Tu lui dis c'est quoi les adillah de l'imam Malik, il les connaît pas. Donc il n'est pas réellement maliki. En réalité, il est sur le madhab de celui à qui il pose les questions sur la religion lorsqu'il lui pose. Ça, c'est la réalité. Parce que quand tu dis que tu es maliki, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu as compris les usul de cet imam et tu as compris ses preuves. Et là, après, tu peux dire si tu as pris ses preuves parce que tu as été convaincu par ces preuves-là, après avoir vu ses preuves, que tu es maliki dans ce sens-là. Et même si tu le contredis dans certaines questions, parce que tu considères qu'il a fait une erreur dans ces questions-là, tu peux quand même considérer que tu es maliki. Comme par exemple plusieurs des imams de l'islam, comme même l'imam Ahmad, l'imam Ibn Taymiyyah, il se disait hanbali, malgré qu'il était mujtahid, et qu'il prenait les positions selon les preuves du Coran et de la Sunna. Et Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, également, il se disait hanbali, dans son madhab, pourtant, il ne suivait pas toutes les positions de l'imam Ahmad. Mais, donc, c'est juste pour donner un exemple par rapport à ces questions-là. Donc, ça c'est très important. Et il y a aussi des fois les gens qui suivent un individu, par exemple, certains, par exemple, parmi les musulmans aujourd'hui, ils se réfèrent, par exemple, à des gens qui font partie des rationalistes ou des modernistes, comme Yusuf al-Qardawi ou d'autres parmi ces individus-là, et ils ignorent les fondements de ces gens-là. Donc ils disent c'est un alim parmi les ulama, et ils ignorent qu'il a des usul qui sont différentes par rapport aux usul des ulama qui suivent la voie des salafs. Il a des usul qui sont différentes de celles de l'imam Ahmad, et l'imam Shafi'i, et l'imam Abu Hanifa, et l'imam Shafi'i. Donc quand il fait des fatwas, il se réfère, comme j'ai dit tout à l'heure, au fiqh de at-taysir. C'est-à-dire, on veut prendre la position qui est plus facile pour les gens. Donc, il va voir, par exemple, dans une question économique, il va dire, bon, les musulmans en Occident, ils ont de la difficulté, ainsi de suite. Donc, pour eux, on va leur donner la position du madhab Shafi'i, qui dit que, dans telle situation, ils peuvent faire ça. Et ils ne regardent pas, est-ce que c'est en accord avec le dalil ou non. Et ça, c'est dangereux de faire ça avec la religion. Donc, avant de prendre quelqu'un comme référence, il faut savoir c'est quoi son manhaj et c'est quoi ses fondements pour éviter justement de tomber dans l'erreur en le suivant parce que cette personne-là, peut-être qu'elle a des mauvaises références ou des mauvais fondements. Et le cheikh, ensuite, il dit donc, « Wal'an, al-suhuf wal-kitabat, kulluha tunadi bil-akhdi bil-ara wa tawsi'ati ala nas » وأنهم إذا ردوا إلى الدليل فهذا حرج وضيق هكذا يقولون وهذا القول كفر لأن قائله يرى أن الأخذ بالدليل يكون حرجا والذي يقول هذا يكفر والأخذ بالدليل هو الفرج وليس حرجا وهو التيسير من الله سبحانه وتعالى. Donc juste comme par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a la question, par exemple, du niqab actuellement, hein, qui fait des problèmes maintenant. Ils appellent ça la burqa ou bien le sitar, peu importe le nom. Bon, il y a des gens auparavant, ils disaient ou ils pensaient ou ils défendaient la position que c'est obligatoire. Maintenant qu'ils voient qu'il y a une loi qui apparaît, tout d'un coup, ils disent non, c'est pas obligatoire. Cheikh Al-Albani, il a dit que c'est pas obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur position n'était pas basée sur une conviction ou sur des preuves. C'était juste basé sur le fait qu'ils voulaient dire que c'est obligatoire. Et maintenant qu'ils voient que ça cause des problèmes, ils changent de position. Ça, c'est incorrect. À la limite, tu peux dire que t'as peur ou t'as peur d'avoir des amendes ou des choses comme ça. Donc, tu crois que c'est obligatoire, sauf que tu te sens dans la nécessité ou dans une situation où tu n'as pas le choix de contredire qu'est-ce qui est ordonné par l'islam selon toi. Mais de changer de position juste par rapport à une contrainte des koufars, ça montre un manque de sincérité dans ta façon de pratiquer l'islam. Hein? Donc, si tu croyais déjà à la base que cette position-là était... c'est-à-dire qu'elle était correcte du fait que tu croyais déjà en partant que de pas couvrir le visage c'était permis et que tu étais convaincu par les preuves de certains ulama à ce sujet-là, alors là dans ce cas-là tu continues sur cette voie parce que déjà à la base t'étais sur cette position-là selon les preuves qui t'ont convaincu à ce sujet-là, donc ça c'est correct. Mais que tu changes de position juste par rapport aux contraintes des koufars, hein? Demain, aujourd'hui, tu es sur cette voie. Demain, les koufars interdisent quelque chose. Tu commences à dire, ah, mais peut-être que c'est permis. Là, ça, c'est pas correct. Il faut être conséquent et il faut être sincère dans ta façon de pratiquer l'islam. C'est pas du jour au lendemain comme la girouette. Hein? Le vent souffle vers l'ouest, tu tournes dans cette direction-là. Le lendemain, tu changes. Non. Il faut être sincère et sérieux. Donc, ça c'est une question de religion, c'est une adoration pour Allah, c'est pas quelque chose comme ça tu joues avec. Hein? Ensuite, donc le cheikh il dit aujourd'hui, tu vois que dans les journaux, dans les livres, il y a des gens qui appellent à dire il faut prendre les différences de position entre les gens et il faut leur laisser le choix, yani. Il faut leur laisser le choix large. Et ils disent que si on ramène les gens à la preuve, ça leur cause de la difficulté et ça les limite dans leur choix. Hein, ça leur cause de la difficulté et de la... comme en voulant dire, ça leur cause... Il y a un mot là, je n'arrive pas à le retrouver. En tout cas, al-haraj wa diq, ça leur rend leur choix limité, étroit et ça leur cause une gêne. Hein, c'est ça le mot, hein, al-haraj, ça leur cause une gêne. Donc le cheikh il dit que cette parole-là en réalité c'est kufr. Pourquoi? Parce que la personne qui dit que de prendre selon la preuve c'est une gêne, ça te cause une gêne, en réalité c'est comme s'il disait que la religion d'Allah cause une gêne. Hein, de prendre la preuve ça te cause une gêne, alors qu'en réalité c'est la délivrance. c'est pas une gêne, d'accord? Et c'est ça la facilité, d'accord? Et je vous donne un exemple. Si par exemple les koufars, ils interdisent la salat, est-ce que par exemple demain on va changer de position, on va dire la salat c'est pas obligatoire? Non. D'accord. Donc c'est ça l'exemple. Donc الشيخ الدفاع هذا هو الكلام في مسألة اختلاف في مسألة اختلاف العلماء. وماذا نأخذ من الأقوال المختلفة في المسائل؟ Donc il dit ça c'est la parole au sujet de ces questions de divergence entre les ulama, et donc on doit prendre les questions qui sont basées sur les preuves. On prend pas les positions selon nos passions. وقول الناظم, donc on termine avec ça, il dit وقول الناظم رحمه الله فقول رسول الله أزكى وأشرح المعتبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرنا باتباعه ولم نؤمر باتباع الآراء والأقوال والعلماء والأئمة يحذرون من هذا غاية التحذير. Donc le cheikh il termine en disant que la parole donc de cet imam Ibn Abi Dawood, quand il dit, est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est plus pure et plus claire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça qu'on doit prendre en considération, et c'est ça qu'on a été commandé de suivre, et on n'a pas été commandé de suivre nos positions ou nos opinions ou les paroles des hommes, mais de prendre la révélation. Donc les ulama et les imams, ils sont toujours mis en garde contre ce genre d'opinion ou de ce genre d'idée, de dire il faut laisser les gens libres. Et cette philosophie-là ou cette idéologie-là maintenant qui se propage parmi les musulmans, à la base, selon moi, Wallahu A'lam, elle vient des koufars maintenant. Et même chez les koufars, on entend ces idées-là. C'est-à-dire, ah, mais chacun a son opinion, chacun a le droit à son opinion. Hein? Et donc, ils veulent appliquer ça maintenant à la religion. Hein? Et donc, c'est grave parce que on voit même des gens qui parlent dans les médias, par exemple, de l'islam, et ils en parlent comme si c'était quelque chose qui peut être une question d'opinion. C'est-à-dire, comme par exemple, tu vas demander à quelqu'un, est-ce que toi tu préfères, par exemple, le poisson ou le poulet? Et la personne dit, oh, moi, selon moi, je pense que le poulet, c'est mieux. Est-ce que les koufars, par exemple, quand ils vont inviter, par exemple, quelqu'un pour parler d'une question de science, hein, comme par exemple un ingénieur ou quelqu'un qui est un chimiste ou quoi, ils vont l'inviter dans une émission sérieuse pour parler de science, est-ce qu'ils vont lui dire, quelle est ton opinion sur le poids de l'atome? Ou sur, par exemple, quelle est ton opinion sur tel matériel? Hein? Est-ce qu'ils vont lui demander, par exemple, de faire un calcul, on va dire, selon toi, 1 plus 1, ça, est-ce que ça fait 2? Hein, ou non? Est-ce que c'est quoi ton opinion sur ça? Si c'est des questions de science, ils ramènent des spécialistes et ils répondent selon les connaissances qu'ils ont et selon la vérité qu'ils connaissent. Et quand c'est des questions de religion, et en particulier de l'islam, ils amènent n'importe qui pour parler. Et ils vont même demander des fois des gens dans la rue, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ils demandent à des gens qui ne savent pas, et les gens ils répondent selon leur ignorance parfois. Ils disent le contraire de ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, et ils font même pas attention. Et ça, c'est voulu. C'est voulu parce qu'ils veulent mélanger les gens. Et maintenant, dans les pays arabes, comme Al Jazeera et d'autres chaînes, il y a des émissions comme Al-Ra'yu wa Al-Ra'yu Al-Akhar, l'opinion et l'autre opinion. Donc, ils font des émissions comme ça de ligne ouverte où les gens téléphonent, hein, ils invitent quelqu'un. La personne parle d'un sujet, après l'animateur il reçoit des appels téléphoniques de différents pays, de différents endroits, et chacun donne son opinion ou bien chacun pose des questions. Ça c'est juste également, c'est la même chose, pour faire entrer dans la mentalité des musulmans cette idée que tout le monde peut avoir son point de vue, peut avoir son opinion, même dans les questions de religion, et qu'il n'y a pas de vérité, personne ne peut connaître la vérité, et ça c'est très dangereux, et c'est comme je disais tout à l'heure, et comme le disent les ulama, comme Cheikh Al-Fawzan et d'autres, que ça c'est très dangereux et ça c'est un égarement.